Je peux dépasser le camion si je vais à Lyon? Oui, réponse A. Non, réponse B. À Strasbourg? Oui, réponse C. Non, réponse D.